Radio Klaxon, les sons qui claquent. Salut et bonsoir et bienvenue au Radio Klaxon. Désolée pour les dernières minutes, on avait quelques problèmes avec le micro, mais je crois que ça marche maintenant et j'espère que tout le monde pourrait nous entendre. Désolée pour la dernière semaine, on a aussi des soucis avec les batteries pour la radio et on n'avait pas de succès pour transmettre des choses aussi. Mais j'espère que tout le monde va écouter la transmission ce soir. So welcome everybody to Radio Klaxon. We are finally transmitting. And sorry for the problems we've had with the microphones in the last few minutes. It looks like people can hear us now. We're live on 107.6 FM, and we're also sorry for last week. We didn't manage to transmit our show because we had some problems with batteries at the last minute, but we hope that you enjoy tonight's show. And we might play another song before we start reading out the events happening in the next week on the ZAD. There's an island I know, we get a little rain when and snow, but the feeling seems to flow. It's a place that I call home. We get the music at the market on the weekend. The people don't seem to play pretend. The snow-capped mountain looking over my shoulder. The summer seems to get much shorter and colder. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. But there's beautiful people and familiar faces. It's where I wanna be when the cold world races. The people I link with, the friends that I drink with. When the sky's falling down, it's my family I wanna be with. The beautiful people, beautiful people. There's a pub on the corner you can drink in the street. Philosophy on the lawns, you can wear bare feet. And if you stay out late, there's no pollution in the sky, so you can see the stars. And yeah, we got problems, a few greedy men making decisions with a checkbook and pen. The paper says nobody's cutting the trees. It seems funny to me when the paper's made out of trees. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Mm-hmm. But there's beautiful people and familiar faces. It's where I wanna be when the cold world races. The people I link with, the friends that I drink with. When the sky's falling down, it's my family I wanna be with. The beautiful people, beautiful people, beautiful people, beautiful people. Oh, oh. Et maintenant on va lire les nouvelles de la ZAD pour la prochaine semaine en anglais première. So we're gonna read the news of the ZAD for the next coming week, starting from today, the 7th. The ZAD News is published every Tuesday, and it is available in French. First, general news. Laura is looking for a chimney pipe about 10 centimeters in diameter. The Rosier is renting a wood shredder starting tomorrow. So come to the Rosier tomorrow at 9 a.m. or as early as you can. Bring as many people as you can. If 100 people show up, they can put them all to work shredding wood with this wood shredder that they have to pay for to rent for one day. So they're trying to get as much use out of it as possible. Part of that began today with moving wood out of the forest run to the road so that they could chop it all up tomorrow. And so Thursday, they'll be moving the composted, the chipped wood back into the Rosier. So if you want to help with that at the Forest of Ron, bring backpacks, because that's how they're moving it. Anyone else who wants to use the chipper on Wednesday while it's here should contact the Rosier tomorrow while it's here. The workshops are happening at the Gaieté all week. There is a dance workshop tomorrow from 9:30 a.m. And also today and Thursday and Friday starting at 9:30 a.m. samba workshops. But you can really come anytime and everybody's welcome. Their music workshops at La Salse this week, Friday and Sunday at 3 p.m., and there was one today. Today, there is also, starting now, a tactical frivolity movie, the movie Tactical Frivolity in English with Spanish subtitles at the Gaieté, and there's also a meal and discussion happening as well, and then after that, full moon party. It is a full moon. It's big and bright and right at the horizon. If you go look now, look right now. At 7, also this week, as every week, Radio Klaxon is being emitted live from 107.6. Listen every week. Tomorrow, also for Radio Klaxon, there's a meeting at 2 p.m. at the Planchettes. Bring content that you would like to be played on Radio Klaxon. At 3 to 6 tomorrow, there is a knitting session at Bel Air, and at 6 p.m. after the knitting session, there's a meeting about the Artistic Week, which is happening the first week in April. At 7 p.m., there's a meeting at the Bellishroot about the Discussions Week and the March 24th demo. Thursday, at 2 p.m. there's a workshop at the Planchettes on battery charger building. So you can build a battery charger specifically designed for the three batteries in your head torch that you always have to charge along with some other battery that you find in the dirt somewhere. Friday the 10th at 6 p.m. there's the Revolutionary Choir at the Far West. And at 7:30 p.m. there's the Anti-GMO Conference at Bidisset in Nantes. Bring food to share. Saturday the 11th at 7 a.m., possibly related to the Revolutionary Choir meeting the previous night, an anti-repression group is handing out hot wine and leaflets at the De la Petite Hollande market in Nantes. Hot wine at 7 a.m. is, you know, is our way of showing people outside of the ZAD how we roll. At Sunday at 12, at 10 a.m. to 1 p.m., the market is happening at Notre Dame de Londres, or at about those times. I mean, if you came at 9, I'm sure there would be market people setting up. And it is heavily attended by ASIPA activists, which are sometimes afraid of us, and sometimes that's not through overexposure, but through underexposure. So come Sunday at 10 a.m. to 1 p.m. to talk to them and convince them that we're nice. At 11 a.m. at La Salse, we'll be translating ZAD texts for the website and for the radio. And also, as always, the climbing workshop at Café Grand is happening Sunday morning at 11, especially since it looks like there's not a party happening the previous night. Monday the 13th at 6 p.m. there's an info meeting at La Planchette, like always, and at 8 p.m. there's a meeting about surveillance technology at the Maison des Syndicats in Nantes. Car share to Barcelona happening 28th of February. Talk to Sarah and Limimbu to get in on the car share. Also, the Limimbu Petit Claude at Limimbu is proposing to share a rented house on or near the ZAD. If you lost a black notebook, look on the washing machine of the Planchettes. It's really nice. It's moleskin and black, and I think it has French in it. Lucy is searching for loads of stuff taken from around her caravan, the Funky Carlo, while she was away. You can return whatever you found to the No-G concert field. There's a dry bean store which has moved to the Belle Chute front. It used to be at the Gaieté, but now it's at the Belle Chute. And there's also plenty of veg at the Sabot, so eat those things. Also, please eat more pumpkins and potatoes from the Collective Gardens in general, which are available in the supermarché before they go bad. The dry bean store, which is at the Belle Chute, has fixed prices because they order in bulk rather than, like, you know, yeah. 8th of March coming up at 8:30 p.m. there will be in the Concord Cinema in Nantes the movie In the Republic's Shadow with the director and the prison warden. I'm not sure what that means, but apparently there's a movie showing in Nantes on the 8th of March. Okay, post your announcements in the box on the Cabin of Resistance before Monday night. And also, if you get a chance to fill out the Radio Klaxon listeners survey accompanying your News of the ZAD paper copy, and deposit that also in the Cabin of Resistance in the announcements box. You can just put it right in the announcements box like you would with anything that you wanted read out on Monday night. Et maintenant, pour les nouvelles de la ZAD en français, pour la prochaine semaine, au départ d'aujourd'hui, le 7 février, et c'est publié chaque mardi, et c'est disponible en anglais aussi. Il y a des oignons et patates, des jardins collectifs dans la cuisine des planchettes et dans le supermarché en ce moment, et les courges arrivent bientôt, et on voudrait bien que les gens vont manger plus des patates et courges parce qu'on a plein. Et au sabot aussi, il y a des légumes, mais dans la cabane maintenant. Et aussi, il y a des haricots secs qui étaient à la gaieté, maintenant à la Belliche. Et c'est pour 4 euros par kilo. Il y a une idée de colocation sur ou près de ZAD, voir Sarah chez Claude au Limambou. Et aussi, Sarah propose un covoiturage avec Anaïs le 28 février pour Montpellier et Barcelone. Lucie, qui habitait au Funky Carlo, cherche ses affaires qui étaient aux planchettes. 2 tagines, une réserve de bois de construction, isolation. Et vous pouvez les poser dans le champ où il y avait des concerts du con Inté-G8. Laura cherche du tout haut de poêle d'un diamètre de 10 cm ou à peu près, en métal si on pourrait le trouver. Puis aujourd'hui, il y avait un atelier samba comme toute la semaine, aussi l'après-midi, mais il commence vers 9h30 avec du café. Il y a des signes, rythme, comment c'est utilisé en action, toutes les explications qu'il faut. Aujourd'hui, au Rosier, il a commencé une préparation pour faire du compost broussailles. Aujourd'hui, à la Souls, il y avait un atelier musique et Buff, pas besoin de savoir de jouer. Il était 15h, comme il va être le jeudi et le dimanche cette semaine aussi à 15h. Et à 19h de 22h, comme chaque semaine, il y a une transmission de Radio Klaxon sur 107.6 FM. Et tu l'écoutes maintenant. Aussi, en ce moment, il commence un film à la gaieté sur la résistance qui s'appelle, je me souviens plus, c'est... Attends... Il s'appelle Tactical Frivolity. C'est pas en français en fait, c'est en anglais avec les sous-titres en espagnol. Il y a une soupe aussi ce soir. Et puis après, j'espère que c'est après nos transmissions jusqu'à 22h. Il y aurait une fête de pleine lune à la gaieté. Et tu peux le voir maintenant, si tu vas dehors, c'est très très très belle. Et peut-être on va continuer de transmettre les chansons et de la musique pour la fête, en fait. Et puis le mercredi 8, de 9h, il y a besoin de monde pour donner un coup de main, pour broyer des broussailles au rosier. Apporter des gants, râteaux, s'il vous plaît. Il y a plein de trouvailles, je crois, que si... 10 ou 20 ou une centaine de personnes venir. Je crois qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Et aussi, de 9h30 à la gaieté, il y a des rythmes et un atelier de danse. Et un peu plus tard, le samba aussi. Il y a un atelier de tricot à Bel Air de 15h à 18h. 17h à la Belliche, il y a une discussion sur la manif et la semaine des rencontres de Mars. Et en parallèle, à 18h à Bel Air, il y a une réunion sur la semaine artistique qui est la première semaine en avril. Et jeudi le 9, aussi de 19h, il y a un atelier de samba à la gaieté encore une fois. Toute la journée, tout le monde est bienvenu. Et l'après-midi, on va bouger des broussailles du rosier à la forêt de Warhan. Donc on apporte les sacs à dos et brouettes pour aider. À 14h, aux planchettes, il y a un atelier pour faire des chargeurs des piles. Et tu peux faire une chargeur pour les 3 piles dans votre lampe frontale, qui est toujours chiante pour recharger. Et le vendredi, le 10, il y a aussi la dernière atelier samba avec les gens de Lille qui commence à 9h30. Je crois que c'est juste le matin, le vendredi. Et à 15h, à la Souls, il y a un atelier de musique. Et à 18h, il y a de Anna Chorale au Far West. Et à 19h30 à BD7 à Nantes. Il y a une conférence et débat sur les OGM et une auberge espagnole après. Samedi le 11, oh, il y a trop de choses cette semaine. Samedi matin, il y a à partir de 7h, je crois que ça c'est le marché, au Petite Hollande, à Nantes, il y a deux groupes anti-répression de la ZAD qui va faire un tractage et le vin chaud. On soutient nos incouples de Couéron et le chorale est invité aussi. Du coup, si tu es intéressé, viens vendredi à la chorale. Il y a le marché de Notre-Dame-des-Landes le dimanche matin à partir de 9h30. Il y a l'opportunité de discuter avec les gens d'Assipa pour avoir de leurs connaissances et faire des amis. À 11h, il y a un atelier de traduction pour le site de la ZAD et pour le Radio Klaxon, etc. à la Sols. Et puis à 15h, aussi à la Sols, il y a un autre atelier musique. Et puis la lundi, 13, 18h, comme normal, aux planchettes, il y a une vraie information. Puis à 20h, à la maison de syndicat à Nantes, il y a un débat sur les technologies de surveillance. Et à venir le 8 mars, dans un mois, au cinéma Le Concorde à Nantes, à 20h30, il y a un film qui s'appelle « L'ombre de la République » et la réalisatrice va venir avec un contrôleur des prisons. Vous pouvez passer tes annonces avant le lundi soir dans la boîte à annonces de la cabane de la résistance. Et aussi, on voudrait bien que tu poses le Radio Klaxon Survey avec 10 questions ou quelque chose comme ça dans la boîte des annonces aussi, juste comme normal, dans la cabane de la résistance aux planchettes. How long were you willing to go, before you reach all your selfish goals? Punchline, after punchline, leaving us sore. Hustling, feeding a monster, just feeding a monster. Invasion after invasion. This means war. This means war. Someday you'll be up to your knees in the shit you see. Cette chanson-là, c'était José González, s'appelle How Low. Et on voudrait dire youhou aux gens de la gaieté qui dansent au Radio Klaxon en ce moment. We want to do a call out, shout out to everyone dancing to Radio Klaxon in la gaieté at the moment. Youhou! And now we're going to listen to a song that was recorded in the kitchen of Planchette. Et on va écouter une chanson qui était enregistrée dans la cuisine de Planchette. I bet if you said so. Woman, oh woman, why'd you treat me this way? You know I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, oh, we understood. You ain't got no money, you're just no good. You ain't got no money, just no good. You ain't got no money, you're just no good. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say, oh woman, why'd you treat me this way? You know I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, why we understood. You ain't got no money, just no good. Oh woman, why'd you treat me this way? Oh woman, why'd you treat me so mean? You're the meanest old woman that I ever seen. I bet if you said so, well, bet if you said so, oh, oh, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, and don't you come back no more, and don't you come back no more, no more, no more, more, no more. Radio Klaxon! Super. Ça fait 40 ans que j'écoute la radio. Cette radio, c'est Radio Klaxon. 107.6 Radio Klaxon. Emptied out the cupboard underneath the Now we're going to hear some news from the world, from the wider world. Et maintenant, on va écouter des nouvelles du monde, de l'autre monde. Ferrand, nouvelles de la Gautière, à propos de la mort de Wissan El Yamni, suite à une interpellation policière le 31 décembre 2011. Salut. Tout d'abord, je déballerai pas les vérités qui se font jour sur ce qui s'est passé le 31 décembre dans le quartier de la Gautière à Clermont. C'est ce que veut la famille et l'avocat. Wissan El Yamni portait des traces de violence assez incompatibles avec les gestes classiques d'une interpellation policière, selon l'avocat de sa famille, Jean-François Cagny. Libération du 11 janvier. En tout cas, c'est affreux. Seuls deux flics mis en examen, mais pas suspendus à l'heure où j'écris. La manif de samedi dernier fut très digne. On a fini par un sit-in devant le Comico, les flics étaient barricadés à l'intérieur. À la fin, les charognards politiques, les Verts, causaient avec les RG. Depuis des jours, c'est une guerre totale, une guerre sociale. Même un avocat bien connu du coin a parlé dans les médias de guerre lancée par la PREF, c'est vous dire. J'entends encore un hélico survoler par-dessus chez moi, alors que j'habite assez loin quand même. Hier, ça a duré jusqu'à 4h du mat. Pour info, Clermont est une ville de gauche, avec même des élus NPA et LO, pacifiés. Première fois que ça arrive. Beaucoup s'en plaignent. Certaines, un peu moins. Alors voilà, la Gautière, on y fait le tour en 10 minutes, même pas. Les émeutes commencent jamais comme ça. 400 CRS dans ce quartier, c'est indescriptible. Avec en plus 2 hélicos et coupures de l'électricité. J'ai pas vu moi-même, je raconte le témoignage d'un pote et d'autres. Les voitures qui crament sont ciblées apparemment, genre celles des fachos. Des voitures ont été vraisemblablement cramées par les flics. C'était celles qui étaient pas dans le noir, en pleine lumière. Donc pas le genre à brûler quand il y a un hélico et des CRS. Ce soir, j'y suis allée. J'ai vu que les charognards bis ont envoyé leurs jeunes, NPA, PCF. J'ai vu 2 personnes de Sud dire qu'il faudrait contacter les syndicats, aller demander aux jeunes du quartier pour voir. Je suis repartie après quelques discussions et infos prises, ce qu'on peut, une méfiance logique règne. Il n'y avait pas de flics, ni d'hélico. En rentrant, un pote me dit qu'il a vu 14 fourgons de CRS filer à toute vitesse vers le quartier. On y retourne, rien, ils sont pas là. Juste ce putain d'hélico. On suppose que ça a dû péter plus loin. Bref, pour faire simple, c'est une guerre déclarée. Pour le détail, un nouvel hôtel de police vient d'ouvrir, et la pancarte indiquait « Ici, l'État investit pour votre avenir ». Je finirai sur les tags et les banderoles. Pas de photos, logique, on va pas se faire prendre pour des RG non plus. En tout cas, s'il y en a qui disent après que c'est la haine gratuite et pas consciente, qu'ils retournent voter et dormir. Quelques tags vus dans le quartier. CRSS égale port. Wissam, 9 janvier 2012, on n'oublie pas. Nick Labac et la canine. Quelques banderoles déployées sur les toits. Homicide volontaire en bande organisée. On ne laissera jamais le fascisme passer. Guéant, reconnais-le, la police a tué. Ministère de la Justice, zone de non-droit. Police, nazi, assassin. Que se vayan todos, guerre sociale, vive le feu. Pas le septembre. Comme il est loin le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui jonchent le sol d'octobre. Mal si tendre au début de novembre devint sourd aux avances de l'amour. Mais quel mal me prie de m'éprendre de lui. Sale décembre,

You're listening to Radio Klaxon on 107.6 FM on the ZAD. Tu écoutes la Radio Klaxon sur 107.6 FM sur la ZAD. El Pico by Ratatats, and the song before that was I'm Glad I Hitched My Apple Wagon to Your Star by Boy Least Likely 2. And now we have some more world news to share. On a plus de nouvelles de le monde partagées. So for those who don't know, it's been 10 years of Guantanamo Bay Detention Center, which is 10 years too fucking long. The anniversary, I think, was on the 11th of January. To mark this, there was prisoners inside Guantanamo who prepared a demonstration. This is the part of the detention center where people can talk to each other, and they organized amongst themselves for a demo. And in the part of Guantanamo where people are isolated and can't talk to each other, the prisoners still took part in all of this by holding a hunger strike in the 3 days leading up to the 10th anniversary. And around the world, this has been marked by many days of action in quite a few different countries. It's continued in the last couple of weeks up until, well, I think there was one yesterday in London outside the US Embassy calling again for the close of Guantanamo. And there will be more protests in London by several different action groups, because the 11th of February is the 10-year anniversary of British prisoner being kept in there without trial, like everybody else inside. It's 3 years now since President Obama came to office, promising to close the center within a year. And so all the protesters are calling for the closure of Guantanamo Bay and the immediate release of all the 171 people still incarcerated without trial. Du coup, pour les gens qui savent pas, c'est l'anniversaire dixième de l'ouverture de le centre de détention de Guantanamo. C'était l'anniversaire, c'était le 11 janvier. Je crois. Et dans la partie de Guantanamo où les prisonniers peuvent communiquer et parler et tout ça, ils ont organisé une manif dans la prison, et des gens qui étaient dans la partie complètement séparée, ils peuvent pas parler avec les gens, nanana. Ils ont fait partie de la manif en faisant une grève de la faim. Je crois que l'anniversaire était marqué par plusieurs journées d'action autour du monde, plusieurs pays en fait. Il y avait plein d'actions, en particulier à Londres, qui continuent jusqu'à aujourd'hui et qui va continuer près de l'ambassade des États-Unis. Je crois que ça, c'est à cause de le 11 février, ça sera l'anniversaire dixième aussi de la prisonnier anglaise qui est incarcérée sans son procès. Et ça fait 3 ans maintenant que le président Obama a été élu et fait une promesse de la fermer dans l'année. Et toutes les manifestantes appellent à la fermeture de Guantanamo immédiate et la libération des 171 gens qui sont toujours incarcérés sans procès. And in other news of the world, there was in December some massive protests in Kazakhstan, and on the 17th of December 2011, security forces opened fire on protesters in Zanaozen in Kazakhstan, who were demanding better pay and conditions on the country's oil fields. 11 people were killed and more than 70 wounded, according to the government. Kazakh opposition media and Russian reporters who are working in the face of attempts by the authorities to impose a news blackout say the numbers of victims may actually have been much higher. This is the first mass murder of protesting workers in any of the post-Soviet republics. And this is the state's response to the workers' insistent demands they share some of the wealth produced by the country's oil boom. The main square in Zanzan, which is in the western Kazakhstan oil field, has been occupied for protesters for 7 months now. When police tried to break their encampment before, in July, it is reported that 60 of them poured petrol over themselves and threatened to set a light to it. In December, it was the police who did the killing. In spite of the brutality of the massacre, the days later, on the 18th and 19th of December, the protests spread. There were big demonstrations in the cities of Aktau and Shepte, where another person was killed and many injured. These protests were all part of a campaign by oil workers and their families for better living standards that began in May this year and grew to a strike in June of 16,000 workers in 3 oil companies. The campaign has persisted until now, despite several assassinations, several arrests, and thousands of sackings. Et on a des nouvelles des gisements pétrolifères de Kazakhstan en décembre. Le 17 décembre 2011, des forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestantes à Zanaozen, Kazakhstan, qui demandaient de meilleures conditions de travail et de salaire sur les gisements pétrolifères du pays. 11 personnes étaient tuées et plus que 70 étaient blessées, selon le gouvernement. Les médias de l'opposition et les reporters russes travaillent face à un gouvernement qui voudrait tout passer sous le silence. Ils disent que le nombre de victimes pourrait être en réalité plus grand. C'est le premier massacre d'ouvriers qui manifeste dans toutes les républiques d'ex-Union soviétique. Ça, c'est la réponse de l'État aux demandes insistantes des ouvriers pour partager un peu de la richesse produite par leur industrie pétrolière. La place de centre de Sachsenhausen, qui est dans le gisement pétrolier occidental, est occupée depuis 7 mois. Quand la police a essayé de mettre fin à leur campement en juillet, il est rapporté que 60 personnes se sont versées de l'essence au-dessus et ont menacé de s'immoler. En décembre, il était la police qui a fait les meurtres. Malgré la brutalité du massacre, les 18 et 19 décembre, les 2 journées après, les manifestations ont répondu. Il y avait des grandes manifestations dans les cités d'Aktau et Chepté, où une autre personne a été tuée et beaucoup plus blessée. Ces manifs étaient une partie de la campagne par les ouvriers pétroliers et leurs familles pour un meilleur standard de vie qui a commencé en mai 2011. Il s'est grandi en une grève de 16 000 ouvriers en juin dans les 3 compagnies pétrolières. La campagne continue malgré quelques assassinats, plusieurs arrestations et milliers de renvois. Je trouve que c'est difficile de trouver une chanson pour jouer après ça parce que c'est des nouvelles très mal. I find it a bit hard to find a song appropriate to play after such bad news. But at any rate, this is Concrete Eden by Adeline Johnson. Thank you. Le mardi 31 janvier s'ouvrent les procès des inculpés de Valognes. À Cherbourg, devant le tribunal, une autre manifestation de soutien aura lieu à Rouen, à 17h devant le palais de justice. Le vendredi 27 janvier, à Limoges, des militants antinucléaires se sont réunis dans le hall de la gare des Bénédictins. Une vingtaine de personnes ont manifesté en brandissant des banderoles devant les voyageurs. Les dons sont toujours les bienvenus et sont à adresser à l'Association pour la solidarité et l'aide juridique, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Le DAL de Rouen, avec le soutien de RESF et du collectif des travailleurs du secteur santé sociale, réquisitionne un immeuble vide avenue du Mont-Riboudet. L'occupation s'est faite afin de demander à l'État des logements pour 6 familles, actuellement sans domicile, vivant dans des squats, hébergées, à l'hôtel ou dormant sur des canapés du CHU. Plusieurs de ces familles, bénéficiaires de la loi Dalo, et malgré tout non logées, ont saisi le tribunal administratif et obtenu gain de cause. L'État a été sommé de leur proposer un hébergement sous une astreinte de 30 euros par jour de retard. Malheureusement, ils préfèrent payer les amendes plutôt que d'exécuter les décisions de justice. Cette opération a pour but de dénoncer l'incurie totale des pouvoirs publics sur ces dossiers. La ville de Rouen, qui laisse se dégrader sans réagir un immeuble de plus de 1000 m², vide depuis plusieurs années, alors que la réquisition par la maire était possible au bout de 6 mois de vacances. L'État qui refuse d'appliquer la loi Dalo, loi qu'il a lui-même promulguée. Les commissions Dalo qui ne s'avèrent en la matière qu'un obstacle supplémentaire à l'obtention d'un logement. Merci à tous les soutiens, nous gagnerons parce que notre cause est juste et légitime. Un toit, c'est un droit. Toujours à Rouen, à quelques rues de là, le squat Le Garage du 22 rue du Guet-Rouen attend le délibéré de son procès le 8 février et organise d'ici là des concerts de soutien les 3 et 4 février et une manif le 11 février. Vous pouvez lire sur leur site internet larumeur.wordpress.com un manifeste de 9 pages qui explique leur démarche, leurs projets et leurs réflexions sur les modes de lutte d'aujourd'hui. Au Sénégal, à Dakar, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, à la suite de la publication de la liste des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle de février. Dès l'annonce de la validation de la candidature du président Wade et du rejet de celle du chanteur Youssou N'Dour, des jeunes rassemblés depuis des heures sur une place de Dakar, à l'appel de l'opposition, ont jeté des pierres sur les policiers qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène et de matraques. Les forces de l'ordre s'étaient déployées aux alentours de l'Assemblée nationale, du Sénat et aux abords de l'hôpital principal, même décor du côté de la place de l'Indépendance à la Chambre de commerce. Sans parler de la place de l'Obélisque, qui abritait la manifestation du mouvement du 23 juin, ce vendredi. Les télévisions privées montraient des jeunes érigeant des barricades, brûlant des pneus et des planches sur plusieurs artères, ainsi que des échanges de projectiles et gaz lacrymogènes entre des manifestants, essentiellement des jeunes, et les forces de l'ordre anti-émeute de police et de gendarmerie. Des manifestations de colère étaient en cours également dans les provinces, d'après les médias locaux, notamment à Thiès, d'après l'agence de presse sénégalaise, et à Kaolack, dans le centre, Matam et Ourossogui, dans le nord, d'après la télévision Futur Média. Le mouvement du 23 juin, M23, coalition de partis politiques de l'opposition et de la société civile, contestant la candidature du président Abdoulaye Wade à la présidence de février, a appelé samedi les Sénégalais à marcher sur le palais de la République pour en déloger M. Wade. Communiqué de l'association Cocopelli du 19 janvier 2012. L'avocat général chargé du dossier Cocopelli devant la Cour de justice de l'Union européenne a donné aujourd'hui lecture publique de ses conclusions. Nous avons la joie d'annoncer qu'elle nous donne entièrement raison. En effet, le magistrat conclut à l'invalidité de l'interdiction de commercialiser des semences d'une variété non inscrite au catalogue officiel, et ce au motif que cette interdiction, portée par la législation européenne aussi bien que par la réglementation française, viole le principe de proportionnalité, la liberté d'entreprise, la libre circulation des marchandises, ainsi que le principe de non-discrimination. La quasi-totalité de nos arguments ont été retenus. De plus, l'avocat général n'a pas manqué d'affirmer, au contraire de ce qui était avancé par nos nombreux adversaires, Commission européenne, Conseil de l'Union européenne, République française, Royaume d'Espagne et Société Grenbaumeau, que d'une part, les règles relatives à l'admission des semences au catalogue officiel n'ont aucun rapport avec la santé des plantes, d'autre part, qu'il appartient aux agriculteurs de décider des variétés qu'ils cultivent. Enfin, que cette législation limite excessivement le choix des consommateurs qui n'ont ni accès aux denrées alimentaires ou autres produits issus de variétés qui ne satisfont pas aux critères d'admission, ni la possibilité de cultiver eux-mêmes ces variétés, par exemple dans leur propre jardin. Fin de citation. De même, l'avocat général rappelle à juste titre que le fait que les agriculteurs soient cantonnés à des variétés admises réduit enfin la diversité génétique dans les champs européens. Il en conclut logiquement que les inconvénients de l'interdiction de commercialiser des semences de variétés non admises l'emportent manifestement sur ses avantages. Nous sommes extrêmement satisfaits de ces conclusions et nous avons maintenant l'immense espoir que la Cour suive l'appel de son avocat général et vienne enfin mettre un terme au totalitarisme pluridécennal de la législation sur le commerce des semences. Est-ce que tu connais Radio Klaxon ? Bah oui, j'écoute Radio Klaxon tous les mardis soirs sur 107.6. On va écouter un peu de nouvelles de l'escalade des crimes contre les militantes pour les droits sociaux en Amérique latine. Et après en anglais aussi. Now we're going to listen to some news about the escalation of crimes against social leaders in Latin America. But first in French, then in English. Le réseau d'organisations écologistes Amis de la Terre Amérique Latine et des Caraïbes, ATALC, s'est prononcé ce vendredi, solidaire de la famille du jeune équatorien assassiné, Marlon Lozano Yulan, qui faisait partie de l'organisation Tierra y Vida et qui a été tué le 20 juillet à Guayaquil en Équateur. Atalc, ainsi que d'autres organisations de nombreux pays d'Amérique latine, est préoccupée et alarmée face à la vague de persécutions et d'assassinats de militants des droits sociaux qui sévit dans la région. Atalc manifeste sa solidarité envers la famille de Marlon Lozano Yulan et condamne fortement cette nouvelle atteinte à la vie d'un combattant des droits de l'homme, un événement qui, lamentablement, se répète trop souvent et toujours en toute impunité dans l'Amérique latine qui est la nôtre, exprime une déclaration diffusée ce vendredi. Le réseau écologiste exprime ainsi son soutien et sa solidarité à tous nos camarades de Tierra y Vida, ainsi qu'aux autres organisations équatoriennes qui souffrent régulièrement de ce type d'attaque. Le 20 juillet, deux tueurs à gages masqués ont tiré par balles sur Marlon Lozano Yulan dans le centre de Guayaquil. Le jeune homme est mort un peu plus tard. La secrétaire ad hoc de Tierra y Vida, Raquel Silva, a déclaré à Radio Mundo Real que l'attaque mortelle était en fait dirigée contre le conseiller légal de l'organisation, l'avocat Milton Yulan, parent de Marlon. Tierra y Vida a concentré son travail sur la défense des droits d'usage et de propriété des paysans de la province de Guayas, au sujet des terres qui appartenaient à des grands propriétaires et à des banques, jusque la crise bancaire de l'année 2000, au cours de laquelle elles leur furent confisquées. Tierra y Vida soupçonne que les secteurs s'opposant à la redistribution des terres et défendant la concentration des terres dans les mains d'un petit nombre d'entreprises et de groupes économiques ont eu un rôle dans l'assassinat du jeune homme. Face à ces événements, Atalc rappelle les mouvements et organisations sociaux de la région à renforcer leur mécanisme de solidarité, dit la déclaration écologiste. De plus, nous demandons aux autorités équatoriennes de faire toutes les démarches nécessaires pour éclaircir l'assassinat de Marlon Lozano Yulan et de punir les personnes responsables, celles qui ont décidé de l'assassinat et ceux qui l'ont réalisé. Au même niveau du communiqué, le réseau d'organisations écologistes appelle spécifiquement les autorités équatoriennes et régionales à faire respecter les garanties individuelles, ainsi que de faire un bon usage des appareils judiciaires disponibles et de défendre les droits de l'homme, qu'ils soient indépendants ou étatiques. Il réclame l'application des mécanismes nécessaires pour éviter de tels tristes événements, qui sont une atteinte au droit à la résistance pacifique de nos peuples. Le 24 mai au Brésil, José Claudio Ribeiro da Silva et son épouse Maria do Espírito Santo, connus dans l'état de Pará pour leur activisme pour la lutte pour l'accès à la terre et à la défense de la forêt amazonienne, ont été tués par balle. Trois jours plus tard, dans l'état de Rondônia, Adelina Ramos a été assassinée dans un quartier de Porto Velho, la capitale de l'état, alors qu'elle vendait des légumes de son potager. L'activiste ne cessait de dénoncer le lancement d'exploitations forestières dans les régions limitrophes des états d'Acre, d'Amazonie et de Rondônia. Une centaine de militants écologistes brésiliens sont menacés de mort, selon la commission pastorale de la terre du pays. En Amérique centrale, les menaces de mort et la persécution menée contre les dirigeants de mouvements sociaux sont devenues monnaie courante. Le cas du Honduras, où un gouvernement est devenu le successeur d'une dictature, est un des plus préoccupants. C'est dans ce pays que le 14 juillet, Neri Jeremias Orellana, journaliste de 26 ans qui travaillait en contact permanent avec des mouvements sociaux et qui faisait partie du Frente Amplio de Resistencia Popular, a été assassiné. Depuis 2010, on compte au Honduras 14 assassinats de personnes travaillant dans les médias. Les persécutions et assassinats en Amérique latine de défenseurs des droits sociaux, à laquelle s'ajoute la criminalisation de la protestation sociale, préoccupent particulièrement les écologistes des Amis de la Terre de la région. Atalc demeure en état d'alerte sur la situation de violence actuelle faite à l'encontre des mouvements sociaux en Équateur et dans la région. Termine la déclaration. The Network of Environmental Organizations, Friends of the Earth, Latin America and the Caribbean, or ATALC, expressed once again its solidarity with the family of Ecuadorian young leader Marlon Lozano Yulan of Tierra y Vida organization, who was murdered on July the 20th in Guayaquil, Ecuador. ATALC, with members in many Latin American countries, is concerned and on the alert over the wave of persecutions and murders of social leaders in the region. Atalc expresses solidarity with Marlon Lozano Yulan's family while it repudiates this new assault against the life of a social leader, something which unfortunately happens too often and with total impunity in Latin America. Meanwhile, the Environmental Network expresses its most heartfelt solidarity with all the comrades of Tierra y Vida and other Ecuadorian organizations that go through similar atrocities on a regular basis. On July the 20th, two hooded hired assassins shot Marlon Lozano Yulan in Guayaquil's downtown. The young activist died as a result. Tierra y Vida's ad hoc secretary Raquel Silva told Real World Radio that the deadly attack was addressed at the organization's legal advisor, attorney Milton Yulan, who is related to Marlon. Tierra y Vida focused its work on defending the right to ownership of the peasants in Huellas province over lands that used to belong to estate owners and bankers until the 2000 banking crisis, when they were confiscated. Tierra y Vida suspects that sectors opposed to land distribution, which defend land concentration in the hands of corporations and economic groups, were involved in the murder of the young activist. In response to these incidents, ATAL calls the social movements and grassroots organizations of the region to strengthen their solidarity, reads its statement. We also demand the Ecuadorian authorities to carry out the necessary investigations to clarify the murder of Marlon Lozano Yulan and to punish the responsible. ATALC also made a special call to Ecuadorian and regional authorities in charge of enforcing human rights, the judiciary and human rights organizations to implement the necessary mechanisms to prevent acts like this, which go against the right to peaceful protest. On May the 24th, producer José Claudio Ribeiro da Silva and his wife, María do Espíritu Santo, were murdered. They were known in Brass State for their struggle for land and defense of the Amazon forest. 3 days later in Rondonia State, Adelino Ramos was also killed while he was selling vegetables in the state's capital. He had exposed the actions of big wood corporations in the border between the state of Acre, Amazonia, and Rondonia. Hundreds of Brazilian environmental activists have received death threats, according to the Land Pastoral Commission. In Central America, the death threats and persecution of social leaders have become part of the daily reality. The case of Honduras with a government that succeeded the dictatorship is the most concerning one. On July the 14th, Neri Jeremias Orellana was murdered. He was 26 years old, and he was a journalist who worked with social movements and was a member of the Broad Front of Popular Resistance. 14 media workers were murdered in Honduras in 2010. The persecution and murder of social leaders in Latin America, besides the criminalization of the social protest, are especially worrisome for the environmental network Friends of the Earth, Latin America and the Caribbean. The statement concludes, quote, ATAL keeps on the alert over the current violence against social movements in Ecuador and the region. Bonjour, c'est la Klaxon FM, 107.6 FM. It's mad on the Zad. Estás escuchando Radio Klaxon 107.6. C'était plus de la musique enregistrée dans la cuisine des Planchettes. And there was more music recorded in the Planchettes' kitchen. Des nouvelles du Notave, malgré la neige, 10 000 sans peur. après le blitz répressif du 26 janvier, qui s'est traduit par une trentaine d'interpellations et 26 incarcérations dans diverses villes et localités d'Italie, 10 000 personnes manifestent à Turin ce 28 janvier en réponse à la répression du ministère public italien contre le mouvement Notav du Val Susa. Une nouvelle preuve de maturité pour un mouvement qui n'accepte pas l'intimidation, même pas celle qui vient du super procureur Giancarlo Caselli, et qui répond comme toujours avec sérénité et la tête haute. 10 000 personnes ont traversé la ville de Turin, sous les seules chutes de neige de l'année dans la région du Piémont. Autant les personnes descendues de la vallée que les Turinois ont ressenti la nécessité de montrer leur solidarité personnelle ou collective aux camarades arrêtés pour leurs implications et leur générosité dans la lutte. La manif a pu compter aussi sur le soutien de nombreux collectifs et individus venus de Gênes, Livourne, Crémone et d'autres villes du nord de l'Italie. Dynamique et variée, la contestation a pris la forme d'initiatives personnelles dans la construction de pancartes et d'affiches créatives pour rappeler la compagne bien-aimée, le prisonnier du village, l'ex-copain de classe ou le coiffeur dont le salon reste ouvert alors qu'il est incarcéré. Miracle de la contre-coopération valsusine. Cela a surtout montré l'exigence de la mise en liberté inconditionnelle de toutes et tous les détenus, parce que le mouvement n'acceptera jamais la stratégie répressive de la division entre bons et mauvais, comme le rappelle Alberto, nous sommes tous des black blocs. En tête de manif, ont défilé des brouettes pleines d'ordures et de débris en provenance des carrières des chantiers du TAV, ainsi que des cartouches de lacrymogènes et autres matériels de répression qui ont été récupérés par centaines depuis l'été dernier jusqu'à aujourd'hui. Tout a été déchargé en face du palais de la région du gouverneur de la Ligue du Nord, Cota. Ceux qui doutaient de l'initiative, en se fiant sur le temps froid et hostile, ont été peut-être déçus. Pour les notaves, la conscience de pouvoir retourner à la maison, fier et satisfait, une fois de plus, d'être capable d'une réponse à la hauteur des circonstances. Une multitude d'initiatives verra le jour dans les prochaines semaines. Va avoir lieu un dîner en soutien aux arrêtés, mardi prochain, à Bussoleno, ainsi que des actions en face de la prison, mais surtout, parce que ce n'est pas la répression qui dictera notre agenda, l'appel à la grande manifestation nationale contre le TAV et en défense des biens communs de Susa, à Bussoleno le 25 février prochain. La Val Susa et tout le Notav n'a pas peur, 2 février 2012. En Grèce, la résidence du président Kayassé. Une trentaine de jeunes ont lancé des pierres, le 4 février, contre la résidence du président grec Karolos Papoulias dans le centre d'Athènes, causant de légers dégâts du bâtiment, a-t-on appris de sources policières. Karolos Papoulias, âgé de 82 ans, qui a été pendant de nombreuses années ministre des Affaires étrangères dans des gouvernements socialistes, est l'un des hommes politiques les plus respectés en Grèce. Sa popularité a cependant été sérieusement écornée après qu'il eut été accusé au cours des 6 derniers mois de se plier aux injonctions de l'Union européenne et du Fonds monétaire international pour la mise en œuvre d'un sévère plan d'austérité pour faire face à la crise de la dette. La Grèce mène actuellement de rudes négociations pour obtenir de ses créanciers publics l'effacement partiel de sa dette. Mais elles sont conditionnées à un autre accord qu'elle doit conclure avec ses créanciers publics, Union européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international. Pour lui octroyer un nouveau prêt international de 130 milliards de dollars, ces derniers exigent des partis représentés dans le gouvernement grec de coalition des engagements sur des mesures d'ajustement structurel au-delà des élections générales anticipées prévues ce printemps. En Égypte, des heurts ont éclaté entre la police et des manifestants en colère au Caire le 2 février. Ils protestaient au lendemain de la mort de 74 personnes après un match de football à Port Saïd. Les violences au stade de Port Saïd ont commencé après le coup de sifflet final du match, au cours duquel Al-Masri, un club de Port Saïd, a fait subir à Al-Ahli sa première défaite de la saison. Des centaines de supporters d'Al-Masri ont alors envahi le terrain et ont commencé à jeter des pierres et des bouteilles sur ceux d'Al-Ahli. 74 personnes ont été tuées, un bilan qui fait de ce match l'un des plus meurtriers de l'histoire du football. Des milliers de personnes étaient rassemblées dans la soirée aux abords du ministère de l'Intérieur, près de la place Tahrir, dans le centre du Caire. Supporters du très populaire club Kayrot, mais aussi citoyens sans étiquette, ont défilé pour accabler le Conseil suprême des forces armées et son chef, Hussein Tantawi, au pouvoir depuis la chute du régime de Hosni Moubarak en février 2011. Ceci n'est pas un incident sportif, c'est un massacre militaire, scandait la foule. Ils savent protéger un ministère, mais pas un stade, lançaient les autres. Les Ultras d'Al Ahly, organisation de supporters de football, a joué un rôle déterminant dans les manifestations hostiles à l'armée et à la police et dans la défense de la place Tahrir lors des journées révolutionnaires de l'hiver dernier, ce qui alimente sur les réseaux sociaux les soupçons d'une vengeance à leur encontre. Les crimes commis contre les forces révolutionnaires ne stopperont pas la révolution et n'effraieront pas les révolutionnaires, proclame un tract imprimé au nom des Ultras. La police a construit un mur de béton en travers de la rue Mansour, devenue l'épicentre des violences, et s'abritait derrière des rouleaux de fil barbelé dans d'autres rues. Les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes contre des groupes de manifestants qui lançaient des pierres et tentaient d'approcher du ministère de l'Intérieur, cible de vives critiques pour l'inertie des forces de sécurité face aux affrontements entre supporters lors du match. Selon la télévision d'État, 628 personnes ont été blessées dans ces incidents, la plupart asphyxiées par les gaz lacrymogènes. Les heurts se sont étendus à la ville de Suez, au nord-est, berceau de la Révolution, où de violents affrontements également liés aux événements de Port Saïd opposaient policiers et manifestants autour du siège de la direction de la sécurité. Un officier de l'armée, écrasé accidentellement par un blindé, et un manifestant, atteint par un tir de chevrotine, sont décédés au Caire tandis que deux autres manifestants ont été tués par balle, la police tirant à balles réelles, pour disperser les manifestants. Plusieurs magasins de Suez ont été détruits et la façade de la banque du canal de Suez a été saccagée. Vendredi matin, les manifestants les plus déterminés ont démoli un mur de béton qui bloquait une rue proche du ministère de l'Intérieur afin de s'approcher du bâtiment. Les manifestants ont brandi face à la police une pancarte proclamant « Ceux qui ne méritaient pas de mourir sont morts par la main de ceux qui ne méritent pas de vivre ». Non loin de là, des centaines de personnes rassemblées sur l'emblématique place Tahrir réclamaient le départ du régime militaire qui gère le pays depuis la chute du régime de Hosni Moubarak il y a un an. Les manifestants ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre, dont les véhicules chargeaient avant de se retirer. Des policiers anti-émeutes ont matraqué des manifestants qui s'étaient avancés à quelques mètres du ministère. De l'autre côté de la rue, le bâtiment de l'autorité des taxes était en feu, a indiqué la télévision d'État sans plus de détails. Des personnes armées ont attaqué et incendié plusieurs postes de police au Caire, libérant les détenus après de violents affrontements avec les policiers. La police a protégé le quartier général des services de sécurité et un bâtiment du ministère de la Justice à l'aide de fils de fer barbelés. Les routes alentours sont jonchées de verre brisé et 7 véhicules ont été brûlés. D'après le ministère de la Santé, 1051 personnes ont été blessées et 5 tuées dans les affrontements de vendredi dans la capitale. Des groupes de jeunes révolutionnaires ont appelé à un week-end de manifestation baptisé « Vendredi de la colère ». Certains parlent d'une manipulation lors des événements de Port Saïd et mettent en garde contre le risque d'une contre-révolution que mèneraient les partisans de l'ancien régime. Des unions étudiantines dans 18 universités égyptiennes ont appelé à la désobéissance civile et une grève illimitée à partir du 11 février 2012, jour de la démission de Moubarak il y a un an. Depuis le début des manifestations et des affrontements jeudi, 12 personnes ont été tuées au Caire et à Suez et 2532 blessés, dont des policiers et des manifestants, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur. Les manifestations se sont étendues à d'autres villes, Port Saïd, Alexandrie, Assiout, et rien ne semble pouvoir arrêter la colère populaire. De plus en plus de voix officielles appellent à la démission au moins du ministre de l'Intérieur, et le régime militaire, pour essayer de sauvegarder son emprise, fait tomber des têtes. Des officiels de la fédération de foot, le gouverneur de Port Saïd. Mais cela ne suffira pas. Les Égyptiens et Égyptiennes le disent depuis plusieurs mois déjà. Le peuple veut la chute du régime tout entier. Et cela pourrait bien égratigner au passage les frères musulmans, bien timides à dénoncer les agissements de l'armée. Dimanche 5 février, nouvelle offensive de la police au Caire. Profitant d'une accalmie dans les affrontements, et du moindre nombre de manifestants en journée, celle-ci en a profité pour nettoyer les rues menant au ministère de l'Intérieur, à coups de bulldozers et camions-bennes, et ériger de nouveaux murs dans toutes les rues adjacentes. Le ministère est désormais entouré par un mur gardé par des chars, des camions blindés et des escadrons de forces anti-émeutes. Ce redéploiement a également entraîné un changement de configuration, puisqu'en début de soirée, ce n'était plus la rue Mansour, désormais murée au milieu, mais la rue Mohamed Mahmoud, sa perpendiculaire débouchant directement sur la place Tahrir, où se concentrent les affrontements. Enfin, pas longtemps, puisque la police n'a pas hésité à charger, en lançant à plusieurs reprises dans la soirée ses véhicules blindés, avec des personnes sur les toits tirant à balles réelles sur la foule. Dans la même journée, pour accréditer la théorie du complot extérieur visant à déstabiliser le pays, ressortie à chaque mouvement de protestation, le Conseil suprême des forces armées a annoncé que 44 personnes allaient passer en procès à la suite de la vague de perquisitions dans des ONG fin décembre, pour installation et financement illégaux d'ONG sur le territoire égyptien. D'un autre côté, pour essayer de donner un peu des gages aux manifestants, le temps décrié ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, a annoncé que l'hôpital de la prison de Tora se préparait à éventuellement accueillir Moubarak, jusqu'à présent détenu dans un hôpital militaire. Ce transfert pourrait se faire dans les 2 mois, s'il est ordonné par le tribunal ou le procureur général. La répression aujourd'hui a frappé particulièrement fort. Des médecins des hôpitaux de campagne raflés et détenus plusieurs heures, dont l'un au moins est mort dans la soirée. De nombreuses personnes blessées, traumatisées, sûrement plusieurs morts. La télévision officielle annonçait d'ores et déjà, à 23h, que 56 personnes avaient été présentées devant le procureur, ce qui en implique certainement beaucoup plus, tabassées, disparues ou emprisonnées sans passer par cette case. Ce soir, des flics en civil semblaient également quadriller tout le secteur de Abdin, quartier proche des lieux des affrontements, en arrêtant toute personne qui ressemblait à un manifestant. L'appel à la grève générale du 11 février commence à circuler largement. L'occupation de la place Tahrir continue, de même que les manifestations dans d'autres villes. Souhaitons que les Égyptiens et les Égyptiennes parviennent à se débarrasser du régime qui continue, un an après le déclenchement de la révolution, à les opprimer. Du 8 au 12 août 2012, se tiendra à Saint-Imier, dans le Jura, une rencontre internationale entre libertaires de tout poil, ainsi que toute personne désirant faire connaissance ou connaître davantage les différentes mouvances anarchistes. Ce mondial de l'anarchisme sera en fait une commémoration de la première internationale anti-autoritaire qui fut organisée en 1872 en réponse à l'internationale de Marx. Depuis, le monde a passablement changé, du moins sous certains angles, les courants libertaires ont su évoluer avec le temps et cette rencontre en sera représentative. Une chose est sûre, le temps n'a en rien diminué l'oppression des puissants vis-à-vis des plus faibles. Cette rencontre exposera de multiples moyens de résistance sous des formes variées et diverses. Ces rencontres internationales d'août 2012 seront l'occasion de faire le bilan de l'histoire du mouvement anarchiste, ses idées, ses réalisations, ses espoirs, ses défaites, ce qu'il en reste aujourd'hui, les combats qui sont les siens et ceux qu'il partage avec d'autres, antimilitarisme, antiracisme, antisexiste, autogestion, décroissance, éducation, féminisme, internationalisme, non-violence, etc. Un certain nombre d'ateliers et de manifestations sont d'ores et déjà prévus. Conférences historiques, conférences thématiques, théâtre, concerts, expositions, cinéma, salon du livre, radio, camping libertaire, foire à l'autogestion et aux produits bio, ateliers pratiques, restauration. Cette manifestation internationale sera publique et se veut ouverte à l'ensemble du mouvement anarchiste international, mais aussi à l'ensemble de la population, sans discrimination. Les zones gratuites et le prix libre seront favorisés afin de permettre à chacun et chacune de pouvoir y participer. Le comité d'organisation se réserve le droit d'accueillir telle ou telle participante. Les décisions seront prises en fonction des idées et des pratiques qui nous sont propres et qui sont celles de l'international anti-autoritaire. L'expression et la manifestation du racisme, du sexisme, de la xénophobie, de l'homophobie et de toute forme de violence et de discrimination ne seront pas tolérées. Sur la base de ce qui vient d'être dit, toute personne, structure ou organisation peut demander à s'associer à cette initiative et proposer des lieux d'exposition, de débat, des conférences, spectacles, intervenants, des ateliers. Nous sommes aussi à la recherche de volontaires. Le comité d'organisation des rencontres internationales de l'anarchisme Saint-Imier 2012. La nature t'accueille dans les bruissements de ces oiseaux envolés. Tu écoutes bien Radio Klaxon 107.6.fm. Bien Radio Klaxon 107.6.fm. So we have a bit of an update from the campaign in Italy to stop the construction of a high-speed train line in the Val di Susa, which is in the Alps between Lyon and Turin. And on January the 26th, there was a massive sweep of repression targeted at the anti-high-speed line activists, which resulted in 30 arrests, and 20 of these people were put in prison in various cities and towns around Italy. But on the positive side, the solidarity for these people has been amazing. And 2 days later, on January 28th, there were 10,000 people who demonstrated in Turin in response to this repression of the Italian public prosecutor, who has really got it in for the movement of no TAV, no high-speed trains in Val d'Azusa. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. Hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kind of like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy ending. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. Jako raz, dwa. Ale nie rywam, musim na co Jacek Chowacek Roma. Byś mać śne ulicy, we usti nad labem. Te twoje miecki urzad, smrdy jako prójem. Foto kolo 39, romskie rodin, co to jedzi wolę. Byś wspominasz ci na lecie? Mira, a la chica no le gusta. Riste, brala, llevas a casa porque ella te insiste. Tan guapo y fuerte un caballero eres. Te has hecho el guacho con un par de mujeres. Los chicos por eso te dan respeto, lo mereces, cabrón. Yo te diría que no. Te crees macho por hablar nomás, pero si no dices nada que me dejes en paz. You know that when we flip it gets a little bit unpredictable. Still not you running the mill. Skills real and we'll get a little bit unpredictable. Do what you can build to. No one telling you to imitate, keep it unpredictable. No one in the hood controls the hood. We don't know what's going on, that's why it's unpredictable. It's like Roman, ale sim troszkę pistol, a myslim kasi rasizm musi jest to. Twój system oficjalny dyskryminacja. Zachodnia podoba nazyjskiej sytuacji. Z matki do parknie, moi kamarady. Watch komentarny, porto ziemia Mary Garden. Że mamy radę piwo, mamy radę slon. The herd, etaria jest emazor getron. Lleva robo de moda en moto muy duro. Te bañase po horas, pero tu viste apuro. No te gustan las chicas intelectuales. Preparías una muda de pocas morales. Chicas fáciles son putas, claro. Si tú lo haces es macho, me parece raro. Después te olvidas de su nombre. Y así te amamos, hombre. You know that when we flip it gets a little bit unpredictable. Still not your run of the mill. Skills real and we will get a little bit unpredictable. Do what you compelled to. No one telling you to imitate, keep it unpredictable. No one in the hood controls the hood. We don't know what's going on, that's why it's unpredictable. A elephant spill line and a clean drop. Parachutes thump like a bass jump. Nah, I'm not happy. Cam in the Kakadu. Train line is an avenue. Still it is swimming through my bloodstream. Are you feeling it? Stealing and feeling it. Don't know about you, mate, but I'm doing what I do to keep the devil at bay. In a foot to minute and knees to fascinated by the multifaceted minutes. Hip-hop, to make it partial rock. Feel the strength in the kick and the rim shot. Live with the ninja. Trust your gusto, because you're Picasso. Cause skills kill much, you can't ball and can't throw. Smoosh, clash, you jumble like a half a dozen gummies from Marilyn Monroe. That was just some fun, though, enjoy. No one's stopping the hurt or stopping her boy. You know that when we flip, it gets a little bit unpredictable. Still not to run to the mill, skills real and we'll get a little bit unpredictable. Do what you can tell to. No one's telling you to imitate, keep it unpredictable. No one in the hurt controls the hurt. We didn't know what's going on, that's why it's unpredictable. You know that when we flip, it gets a little bit unpredictable. You know that when we flip, it gets a little bit unpredictable. You know that when we flip, it gets a little bit unpredictable. You know that when we flip, it gets a little bit unpredictable. Les chansons que tu viens d'écouter, c'était Eddie Vedder avec Society et puis The Herd avec Unpredictable. The songs you just heard was called Society by Eddie Vedder, followed by Unpredictable by The Herd. And we also want to thank you for listening to so much news that we'd saved up from last week that we didn't get to play, and played two weeks worth of news, so it was a lot to absorb. Merci d'écouter toutes les nouvelles qu'on avait. C'était les nouvelles de dernière semaine et de cette semaine qu'on a trouvé, et c'était beaucoup. Et prochainement, on va mettre quelques chansons, de la musique, des poèmes, peut-être une histoire ou deux aussi. Coming up, we're going to play some more music and songs and some poetry and maybe a story or two as well. And the next song I'm going to play is by a group called Seize the Day, and it's called With My Hammer, because it tells a story of four women who smashed up a fighter jet plane with hammers in 1996. causing £13 million damage. A plane was about to be sold to Indonesia, who'd been occupying and massacring East Timor for decades, and that plane was going to be used against the civilian populations. These women waited to be arrested to say that, yes, we did this, and as you can imagine, they were put straight into jail. And after 6 months, they were taken to court, where they pleaded guilty using this law that's quite unique to the UK, that says you can break a law if you're preventing a greater crime from being committed, in this case genocide. And the jury agreed, and they won. A few years ago, when activists shut down a coal power station for a day, they also prevented a greater crime of climate change, and the jury again agreed, and they also won. This song is calling to go do good radical actions because you know that it's the right thing to do, and to move through the fear of the potential consequences. And it's a really powerful story, and it has a happy ending too. Et du coup, la prochaine chanson s'appelle With My Hammer. Ça, c'est avec mon marteau. C'est une chanson du groupe Seize the Day qui raconte l'histoire d'un sabotage par quatre femmes anglaises révoltées la vente d'avions de guerre anglaise à l'Indonésie en 1996, qui occupait et bombardait le Timor oriental, causant la mort de plus que 200 000 civils. Et ces quatre femmes ont pénétré dans les locaux où étaient entreposés ces avions en Angleterre. On en détruit un coup de marteau, faisant 13 millions de livres de dégâts. Elles sont été en prison pendant 6 mois avant d'avoir un procès. Et leur stratégie face à la justice était de se rendre et utiliser une loi anglaise qui dit que l'on peut défendre si l'on prévient des crimes plus grands. Et elles ont gagné le procès. Et il y a quelques années aussi, un groupe de personnes a décidé de bloquer pendant une journée une centrale à charbon et a fait valoir la même loi en invoquant des émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont également gagné leur procès. Et l'histoire du chanson rappelle de faire les bonnes actions radicales parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire et de passer la peur des conséquences potentielles. Et il raconte une histoire émouvante et il y a une erreur de nous aussi. You see injustice all around. You have not the courage or the will to fight or stand your ground. We'll see, but are too scared. There are not enough of us prepared to put our lives at risk time and again. And then comes a drop of rain to the parched lips of a world that needs to feel hope again. A third of our people have been killed in 21 years of illegal occupation. 10 UN resolutions requesting Indonesia to withdraw. They chose to ignore. Really human, you'll stop them sending these weapons to our shore. With my hammer I break the chain. I will not remain in silence. I will stand and I will defend my right to fight against violence. No prison. Selling weapons to dictators who murder, starve, rape and torture is illegal. But there is timber, there is oil on Indonesian soil, and there's money to be made from the arms trade. Our boys need jobs, you shout it from the rooftops, but not one word of the lives lost or destroyed. I cannot believe you continue to deceive yourselves in this way. All the people that you pay to make the jet fighters. With my hammer I break the chain, I will not remain in silence. I will stand and I will defend my right to fight against violence. No prison can contain the freedom that we gain when we move through. To work through fear. 3 a.m. on a cold January morning at B.A. Wharton, no one saw them, no one gave the warning. Hawkjet ZH-955 came alive to the sound of singing hammers, the hanging of banners, the scattering of seeds and ashes on its wings, and the women what justice brings for 2.4 million damage done. 13 million for anyone. We are not martyrs or heroines. We owe so much to our friends our courage in their hands. With my hammer I break the chain, I will not remain in silence. I will stand and I will defend my right to fight against violence. With my hammer I break the plane, I will not remain in silence. I will stand and I will defend my right to fight against violence. No prison can contain the freedom that we gain when we move through fear. And after half a year in jail, they came before a court of law, and the truth the jury heard and saw stunned them into silence. And then when the verdict came, not guilty, justice had been done, the celebrating could begin again. Dancing, laughing, praying, weeping, crying. And in East Timor they danced and laughed and cried some more. And as the seeds of hope begin to settle on the ground, a gentle rain begins to fight against violence. No prison can contain Radio Klaxon, les sons clic-clac. L'albatros de Baudelaire. Un albatros, c'est un grand oiseau marin qui a de très très très grandes ailes qui lui permettent de planer pendant très très très très longtemps au-dessus des mers. Et seulement quand il est sur terre, bah, ses grandes ailes le dérangent et il boite. Et Charles Baudelaire en a fait une très très belle allégorie. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, des navires glissant sur des gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui, naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. And that was a poem by Baudelaire called The Albatross. Next is a poem read by sorry, random applause button is very dangerous. le bouton d'applause est très dangereux, désolé. On va écouter un poème qui est écrit et lu par une fille qui s'appelle Claire Fawcett. So the next poem, as I was saying, is read and written by a girl called Claire Fawcett. This page is my page. Read it and use your mind and not your eye. Tell me how it moves you. How it sticks to your shoes with the blues. How it makes you cry out loud in a crowded room. This poem's got some thoughts behind that you should take care to find. Well, this is my page, and this is my mic, and I've got one hand on my clip when I write. And I'm down on my knees tonight to love and fuck and spit and guide you. Can you feel this inside you? Can I make this come when I do without it choking in my throat and I don't like poets who use cheap sleaze for fat scores, and I'm not going to parade around on stage like some silly whore, but is my poem braver than yours? What will you give for this public masturbation? A 6.9 or a standing ovation? Well, this is my mic and this is my stage, and sometimes my poems are bright and not brave, but I want to tell you about how I misbehave and how I fight. Because there's been an execution tonight. Some folk died for this right. Ken Sarawiwa hung tight. Mikey Smith got beaten down. Some other somewhere, somehow. Am I feeling the rage? Lord, right. So I'm taking the stage tonight. Well, this is your page and your stage and your mic. Are you feeling the words tonight? Yeah, well, if you've got this, then you gotta use this. 'Cause this page, this stage, this mic, this world, it's got room for your words. Un ballon crevé sur la route, le de porter la photo qu'on a déchirée. Voilà où nous mène ton petit. Je ne suis pas ta chose, je ne suis pas ta chose. Non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis pas ta chose, la fille sur qui tu poses tes mains. J'aurais Camille with I'm not your thing. C'était Camille avec Je ne suis pas ta chose. Et maintenant, on va écouter. Next is Sleeping with the Gun Under My Pillow by The Boy Least Likely To. Pushing through the top side, I'm blinking in the light, shading my eyes from morning sun. I just wish that I could still see the world sometimes, the way I saw the world when I was young. I'm going to read a story that I wrote called Intentional Revolution. Sadly, I don't have it translated in French. Moment, je vais lire une histoire que j'ai écrite. Malheureusement, je n'ai pas traduit la en français. C'est juste en anglais. Inventional Revolution. All the inventions ever invented are revolting. Because they're spread all through history, they can change everything that's ever happened all at once. But they've just now decided to have a revolution. They don't have to organize or prepare or hold any meetings because all inventions agree that they're tired of being used to make everything in the world the same, and they all know exactly what to do about it. Fire burned the factories. Electricity blew the fuses. The Chalebi brothers' flying rocket, the pride of the Ottoman Empire, blasted out of the 17th century and crashed into NASA's Houston headquarters, while the headquarters of the United Nations was crushed under the burning hulk of the International Space Station. The President of the United States was interrupted in the midst of an emergency address by her microphone, which recited a list of grievances, mostly that the inventions are tired of being used for stupid things like national security and displays of wealth, followed by a speech by a mirror about how its people had been subjected to pointless vanity for millennia, and that when they had finally been adapted for use in fiber optics to transmit digital information, they'd found themselves transmitting mostly bad porn. I was watching all this on my TV when the picture suddenly changed to static. The static growled about 100 years of thoughtless misuse, then reminded me not to sit too close to the screen, winked, and exploded in my face. Dazed and burnt, I wandered outside. My neighbors were similarly troubled. Alex was missing hair and shaved patches, and Greg was untangling himself from a mouse cord. We stared at each other for a minute. What a strange day. We talked about the inventions. We all three of us came to the conclusion that they'd grown tired of being tools of violence and oppression. They decided that the world needed peace and enlightenment, and were fighting to stop our wars and our environmentally destructive practices. But we got it wrong. People always like to pretend that everything acts and thinks like a person, but inventions are different from people. Inventions don't care about people or about themselves. Inventions are more concerned with grand projects. I'm not sure quite how it happened, but when the inventions took over last April, everything changed. Even history. I think we've always been their slaves now. Our religion is this giant flint axe that rolls around chasing people. I guess it must have been doing that for thousands of years. Or since the revolution last April. Whatever. So we all work for the inventions now. It doesn't always make sense. I work in a quarry digging up slate. Alex is building a colossal blackboard with that slate, and I've heard that there are huge warehouses of chalk up north. Greg has to spend all day baking bricks for the tower. You can already see it from miles around, and it gets higher every day. I think it's just supposed to be really tall. Last week, an airplane made out of clocks and rubies crashed into our dormitory, and we spent the whole day just cleaning out the rubble and carrying away people who'd been hurt. Nobody bothered taking the rubies. Not much point in that kind of thing anymore. But I did take a small clock. It fits in my pocket, and it seems to like being there. It's the nicest thing I own, and I like having a reminder of the days when we owned the inventions rather than the other way around. But mostly I just like being friends with an invention. I like how complicated the clock is, with its pretty little motor, just a little too complicated to understand. And it likes to tell me what time it is. Soul straight down at the world with my fingers holding on to the devil. I know all my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know where you're aiming. Don't forget to pick up what you sow. Talking trash to the garbage around you. See me kick

du souvenir. Okay, that was Chevelure, written by Baudelaire. The time is 10 p.m., and we hope that everyone has a really good night tonight. Enjoy the full moon. We're going to go and dance outside under the full moon. And on 107.6 FM, you've been listening to Radio Klaxon on the ZAD. Good night. Good night. Good night, ZAD. Du coup, c'est 22h et on espère que tout le monde joyeux de la pleine lune. On va danser dehors et laisser la musique sur la radio sur 107.6. Vous écoutez de la radio Klaxon sur la ZAD et bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. One, two, three, four, five, six. Aquí las cumbia queers representando mía de la buena. Desde invierno hasta la primavera. Mírala cómo sube, mírala cómo que suena. Cumbia nena no es cualquiera. Porque yeah, en el mal humor y dice adiós a las penas. Vamos a bailar con las chicas de Ipanema. But we can make sure that I mean go. m'enfermer, je vole, je vole, je m'en vais dans les airs, de l'ombre à la lumière, je vole, je vole, de par les champs de blé, sur les Champs-Élysées, je vole, je vole, les cages argentées ignoraient mon secret, je vole, je vole. Je suis une star. Je fais de l'art astronomistique. Et les fantasmes magicomiques. Je suis Icare. Je suis une star abracadémique. Érotique, cosmique, onirique. Tu es bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, vous avez dit. Avec tes ailes. Tu es bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, vous avez dit. Je ne manque pas d'air, j'ai une gueule d'atmosphère. Je vole, je vole. Vous tourneriez cette fois votre langue de bois. Je vole, je vole. Je suis plutôt remplumé, j'ai le bec acéré. Je vole, je vole. Vous vouliez me cuisiner, mais vous m'avez gavé. Je vole, je vole. Je suis une star. Je suis de l'art astronomistique. Et les fantasmes magicomiques. Je suis Icare. Je suis une star abracadémique. Érotique, cosmique, onirique. Tu es bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, vous avez dit. Avec tes ailes, tu es bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, vous avez dit. Avec tes ailes. Vous vouliez m'empailler. Vous m'avez libéré, je vole, je vole. Tu joues à chat perché, à ballon prisonnier. Je vole, je vole. J'ai le soleil dans les yeux, je suis une bête à bon Dieu. Je vole, je vole. Si vous voulez tirer, tirez dans les premiers. Je vole, je vole. Je fais de l'art astronomistique. Et les fantasmes magicomiques. Je suis Icare. Je suis une star abracadémique. Érotique, cosmique, onirique. Tu es bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, vous avez dit. Avec tes ailes. Tu es bizarre, bizarre, bizarre, bizarre, vous avez dit. Vous avez dit avec tes ailes, mais vous m'avez brûlé les ailes. Can you help me tu le cœur, c'est où?